إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، on avait commencé une série de cours de Usul Sunnah de l'imam Ahmed rahimahullah, expliqué par Cheikh Rabi' bin Hadi al-Madkhali hafidahullah. Et aujourd'hui, je vais faire quelque chose de différent. Je vais vite m'expliquer pour qu'on ça prenne pas trop de temps, inshallah. Je vais faire quelque chose de différent. Je vais dire quoi et pourquoi, inshallah. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le début de Sharh Sunnah de l'imam al-Barbahari rahimahullah, expliqué par Cheikh Ahmed bin Yahya al-Najmi rahimahullah. Pourquoi ? Parce que, en fait, je pars en Europe la semaine prochaine, Inch'Allah, pour une conférence. Et je compte faire ce livre-là dans une des villes où je vais. Et donc, j'ai commencé à préparer ce cours, parce que j'ai quand même pas mal de cours à préparer. Ça devrait être normalement 6 cours sur un week-end, Inch'Allah. Donc, plutôt que d'annuler le cours d'aujourd'hui, parce que j'ai travaillé sur l'autre, et comme ça rejoint le sujet qu'on fait d'habitude, je me suis dit, peut-être vous en faire profiter, qu'on ait un cours ce soir, et que de toute façon, les deux sont liés. Donc, j'espère que vous accepterez ça de moi, Inch'Allah. Et on rentre donc directement dans le vif du sujet. Et l'imam al-Barbahari, rahimahullah ta'ala, pour les frères qui veulent la biographie de l'imam al-Barbahari, pour savoir qui il est, etc., on la fera un jour, Inch'Allah, en temps venu, mais elle se trouve au début du livre. Moi, en tout cas, j'ai ici l'édition de Maktabat al-Furqan. Il y a d'autres éditions, je sais, qui l'ont édité après. Il y a même une biographie de Cheikh Najmi, rahimahullah, qui est l'explicateur de ce livre. On commence directement le livre. L'imam al-Barbahari, rahimahullah, il dit « I'lam anna l'islam huwa sunnah, wa sunnata hiya l'islam, wa la yaqumu ahaduhuma illa bil-akhar, fa min as-sunnati luzumu al-jama'a, wa man raghiba an al-jama'a, aw afwan, ghayra al-jama'a, wa faraqaha, faqad khala'a ribqata al-islam min unuqih, wa kana dhalan mudilla. » Donc l'imam al-Barbahari, rahimahullah, ce grand imam, qu'on lui fasse miséricorde, il dit dans son excellent et précieux ouvrage, Sharh Sunnah, sache que l'islam est la sunnah, et que la sunnah est l'islam. C'est-à-dire le titre qu'on a donné au cours d'aujourd'hui. Et que l'un ne va pas sans l'autre. S'attacher à la jama'a, qu'on va traduire ici par le groupe uni des musulmans, hein, fait partie de la sunnah. Et celui qui s'écarte de la jama'a et s'en sépare, aura retiré le lien de l'islam de son cou, et sera un égaré, égarant, c'est-à-dire un égaré qui égare les gens avec lui. Maintenant, évidemment, on a besoin d'une explication de ce passage-là, de l'imam al-Barbahari, rahimahullah, et on a l'explication, comme je l'ai dit, de Cheikh Ahmed bin Yahya al-Najmi, rahimahullah, celui qui était mufti jusqu'à sa mort, rahimahullah, du sud de l'Arabie Saoudite, dans le sud de l'Arabie Saoudite, rahimahullah, un parmi les plus grands savants de cette époque, Allah lui fasse miséricorde, et il dit « Inna l'islam huwa sunnah, wa sunnah hiya l'islam, kayfa dhalik ?» يعني أن الإسلام الحقيقي هو السنة. Et c'est ça ici qu'il faut comprendre. Il dit, l'islam est la sunnah et la sunnah est l'islam. Comment donc ? C'est-à-dire, comment est-ce qu'on comprend cela ? Eh bien, Cheikh, il dit, Cheikh Najmi rahimahullah, cela veut dire que le véritable islam, c'est la sunnah. Donc, l'islam, al-haqiqi. C'est ça qu'il faut comprendre ici. Le véritable islam, c'est la sunnah, ya rahmukallah. Celui donc qui est droit sur la sunnah, le Cheikh dit, فَمَنْ إِسْتَقَامَ عَلَى السُنَّةِ وأقامها فقد أقام الإسلام ومن يعوج عنها ومال يمنة أو يسرة فإنه قد أخل بالإسلام الحقيقي بانحراف ذلك لكن يعلم أن الميل ينقسم إلى قسمين. Donc je répète cette phrase qui est quand même importante et qui est une des phrases peut-être des plus importantes qu'on peut apprendre dans notre vie, et c'est l'islam et la sunna, et la sunna et l'islam. Comment donc? Eh bien, cela veut dire que le véritable islam, c'est la sunna. Celui donc qui est droit sur la sunna et la met en pratique, aura pratiqué donc quoi? L'islam. Et celui qui s'en écarte et penche à droite ou à gauche, aura manqué au véritable islam par sa déviation. Mais sache que la déviation est de deux genres. Parce que vous pouvez déjà vous poser la question. Voilà, une déviation par rapport à cet islam. Hein? Quel genre de déviation? Est-ce qu'il y a un tafsil ou pas? Mais le cheikh dit, il y a un tafsil ici. C'est quoi? C'est que elle est de deux genres. Et le cheikh dit, « Meilun kulli yakfuru sahibu » Donc le premier des genres de déviation, hein, c'est quoi? La déviation totale. En arabe, meilun kulli. Celui qui dévie de cette manière devient donc mécréant. Et le jugement à son propos est qu'il est totalement sorti de l'islam. Maintenant, évidemment, il y a un autre genre qui n'est pas el meil el kulli, mais qui est el meil el juz'i. C'est-à-dire qu'il y a une déviation totale. Ça, c'est le premier genre qu'on vient de voir. Et maintenant, il y a quoi? On parle d'une déviation partielle, exactement. Hassan. Mais le juz'i, la yakfuru sahibu. Wa la yuhkamu alayhi bil irtidad. Wa al khuruj an il islam. Wa lakinahu qad intaqasa min islamihi bi qadri meilihi dhalika qalla dhalika al meil au kathura. Ma huwa al dalil ala ma qulna. Donc, Cheikh Najmi, il explique très bien ce point-là, rahimahullah, en disant. Après la déviation totale, il y a la déviation partielle. Celui qui dévie de cette manière ne devient pas mécréant, en opposition à la déviation totale où il devient mécréant. Et il n'est pas jugé apostat et il n'est pas jugé sorti de l'islam, mais son islam a diminué proportionnellement à sa déviation. Que cette déviation soit grande ou petite. Maintenant, cher, évidemment, il parle avec des preuves. Et il dit, quelle est la preuve de ce que nous avons dit? الدليل حديث الافتراق وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي رسول الله أي من هي تلك الواحدة ومن هم أهلها الذين ينجون من النار رحمه الله قال النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين على مثل ما أنا عليه. Donc, Cheikh, il dit, quelle est la preuve de ce que nous avons dit? Il pose cette question, il répond lui-même à sa propre question, et il dit, la preuve de cela est le hadith de la division qui est la parole du prophète, alayhi salatu wassalam. Alors maintenant, je voudrais que vous gardiez en tête le cheminement qu'on a. On a dit que l'islam, c'est la sunna, c'est l'islam. Ce qui veut dire qu'on parle quoi? Hein? Le véritable islam. Et puis que maintenant, il peut y avoir des déviations par rapport à ça. Déviations, elles sont de deux types, totales ou partielles. Hein? Et puis, Cheikh dit, mais quelle est la preuve de cela? Donc, il va citer une preuve. Eh bien, après, on va avoir besoin de ce qu'on appelle quoi? Hein? Le témoin argumentatif. Pourquoi il a utilisé cette preuve pour ce qu'il a dit? D'accord? Et il dit, la preuve de cela, le hadith de la division, qui est la parole du prophète, alayhi salatu wassalam, les juifs se sont divisés en 71 groupes, pour les Belges, 71, et les Suisses, hein? Et les chrétiens se sont divisés en 72 groupes. Et cette communauté va se diviser en 73 groupes, tous en enfer, sauf un. C'est un hadith qui est très connu chez les gens de la sunna. Ils disent, qui sont-ils, ô messager d'Allah? C'est-à-dire, qui est ce groupe unique? Et quels sont ces gens qui seront sauvés de l'enfer? Ça, c'est la parole de Cheikh Najmi, rahimahullah. Le prophète, alayhi salatu wassalam, répondit, ce sont ceux qui sont sur ce que je suis, moi et mes compagnons. Et ce hadith, pour les frères qui veulent la référence, il est rapporté par Abu Daoud et d'autres, et authentifié par Cheikh Al-Albani, rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde. Cheikh Najmi continue son explication en disant ثم علموا أن الوعيد بالنار على سائر الفرق ليس معنى ذلك أنهم كلهم مخلدون في النار ولكن من خالف عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وعما كان عليه هو وأصحابه فإما أن يكون خلافه موجب للردة والخروج من الإسلام فهذا يكون ماذا مخلدا في النار ومن كانت مخالفته جزئية وكان باقيا على الإسلام فهو متوعد بالنار ويرجو ما يرجوه الموحدون من الخروج من النار لما ثبت في أحاديث الشفاعة أن الله عز وجل يخرج من النار من مات على التوحيد وكان معه من الإيمان ولو كان شيئا قليلا. Encore une fois, c'est très belle explication de Cheikh Najmi rahimahullah. Comment pourrait-il autrement quand on est son niveau dans la science, rahimahullah ta'ala. Il dit, sachez ensuite que la menace d'enfer faite au groupe déviant. Hein, vous comprenez bien ici ce qu'on appelle quoi? C'est parmi les nosus l'wa'id, comme on dit. C'est-à-dire les textes où il y a une menace. Sachez ensuite que la menace d'enfer faite au groupe déviant, le sens de cela n'est pas qu'ils sont tous éternellement en enfer. Mais plutôt que celui qui transgresse ce avec quoi le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est venu et ce sur quoi il était alayhi sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses compagnons, soit sa transgression implique l'apostasie et le fait de sortir de l'islam, celui-là alors il est en enfer, comment ? Hein ? Éternellement, pour l'éternité. Tandis que celui dont la transgression est partielle et reste sur l'islam, eh bien celui-là est menacé de l'enfer. Et il espère ce que les gens de l'unicité espèrent comme sortie de l'enfer, et ce en raison des hadiths, hein, des textes prophétiques rapportés sur l'intercession selon lesquels on parle des textes ici. Allah sortira de l'enfer ceux qui sont morts sur l'unicité et qui ont de la foi, même si c'est peu. D'accord ? Pour plus de détails, veuillez vous référer aux hadiths sur ce sujet dans les deux authentiques et dans d'autres livres, c'est-à-dire dans le Bukhari et le Muslim. Cher, maintenant, il pose une autre question, et c'est important de comprendre ce genre de notion-là, parce que souvent, on entend les gens parmi les groupes déviants dire « Ouais, mais vous vous dites de nous qu'on est en enfer, et que vous qui êtes au paradis. » Déjà, première chose, nous, quand on dit ça, on a rapporté un hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et même, on ne dit pas ça comme ils le disent. Et c'est pour ça que c'est important de comprendre ce hadith-là avec la compréhension des savants, qu'on ne vous donne pas cette ambiguïté-là, d'accord ? Et Cheikh, il dit, écoutez bien ici, il dit, mais quel est le temps que restera cette personne en enfer ? لكن ما الزمن الذي سيبقى هو هذا الشخص في النار الله سبحانه وتعالى أعلم به وإذا كان قد ورد أن الذين يدخلون الجنة يؤخر بعضهم عن بعض بمقدار 40 خريفة وبمقدار 500 عام فهؤلاء الذين ينجون من النار ويجوزون الصراط فما ظنك بعد هذا بمن يدخل النار لهذا فمن كان يرجو النجاة لنفسه ويرغب أن يكون ناجيا مع الناجين وداخلا إلى الجنة مع الداخلين الذي يقال لهم ادخلوا الجنة بسلام آمنين من كان يريد ذلك فعليه بعقيدة أهل السنة والجماعة عقيدة ليأخذ بها عقيدة ونهجا فلا يميل عنها يمنة ولا يسرة. Donc Cheikh il dit, mais quel est le temps que restera cette personne en enfer? Allah le Très-Haut en est le plus savant. Et s'il a été rapporté que ceux qui vont entrer au paradis, certains y entreront plus tard que d'autres d'une durée de 40 années, hein, voire l'authentique de Muslim, ou 500 ans, voire Ibn Majah, Sunan Ibn Majah. Ceux-là sont ceux qui seront sauvés de l'enfer et passeront le chemin à Sirat. Qu'en est-il alors de ceux qui entreront en enfer ? Cheikh, il termine ce point-là, en tout cas, ou il continue ce point-là par une nasiha. Il faut prendre ça comme une nasiha, comme un conseil qu'il nous donne. Hein? Ceux qui espèrent pour eux-mêmes le salut, c'est-à-dire d'être sauvés, et désirent faire partie de ceux qui seront sauvés et entrer au paradis avec ceux qui y entrent, et qu'il leur soit dit, entrez au paradis en paix et en sécurité, ceux qui veulent cela doivent s'attacher à la croyance des gens de la sunna et du consensus. Aqidatu ahli sunnati wal jama'a. Qu'il en prenne la croyance et la voie, et n'en dévie ni à droite ni à gauche. Et c'est cela le sens de la parole de l'auteur. L'islam est la sunna, et la sunna est l'islam. Cheikh continue, rahimahullah. وهذا معنى قول المؤلف الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام. وقد عرفنا من خلال ما مضى أن الإسلام الحقيقي هو السنة. وأن السنة هي الإسلام الحقيقي وأنه لا يقوم أحدهما إلا بالآخر ثم قال فمن السنة لزوم الجماعة ومن رغب غير الجماعة et puis il continue son explication. On va déjà s'attacher à traduire ce point-là. Et Cheikh il dit, nous savons, par ce que nous avons vu précédemment, que le véritable islam, c'est quoi on a dit ? C'est la sunna. Et que la sunna est l'islam véridique ou l'islam véritable. Et que l'un ne va pas sans l'autre, puis il, c'est-à-dire qu'il l'auteur dit, s'attacher au groupe unis des musulmans, ce qu'on appelle Al-Jama'a, fait partie de la Sunna. Et celui qui s'écarte de la Jama'a, le groupe uni, puis il va continuer sa parole. Cheikh Najmi, il explique déjà cette parole, cette partie-là, et il dit, le sens de s'écarte du groupe uni, c'est-à-dire s'en écarte pour aller vers un autre groupe. Et sans sépare, donc maintenant on continue la parole de l'auteur, l'imam Barbah rahimahullah, aura retiré le lien de l'islam de son cou et sera un égaré égarant. Waliyadu billah. Cheikh, il dit, à quoi donc fait référence la parole de l'auteur ? Ma alladhi yadullu alayhi qawlu قوله أي قول المؤلف رحمه الله من السنة لزوم الجماعة يشير المؤلف رحمه الله بهذا إلا أن من اعتقد الخروج على ولاة الأمر والمقصود بالجماعة هي جماعة المسلمين الذين يكونون تحت ولاية واحدة فإنه إذا رأى جواز الخروج على ولاة الأمر المسلمين فإنه يعتبر قد فارق السنة وفارق الجماعة وخلع ربقة الإسلام من عنقه وكان ضالا Mondillah. Donc, à quoi donc fait référence la parole de l'auteur ? S'attacher au groupe uni fait partie de la sunna. Eh bien, la parole de l'auteur, qui est l'imam Barbahari, rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, fait référence au fait que celui qui a pour croyance le fait de se rebeller contre les gouverneurs. Et ce qui est entendu ici par la jama'a, c'est la jama'a des musulmans, le groupe uni des musulmans, qui sont sous un seul commandement. Si une personne voit l'autorisation de se rebeller contre les gouverneurs des musulmans, il est alors considéré comme s'étant séparé de la sunna. Et comme s'étant séparé du groupe uni des musulmans. Et aura retiré le lien de l'islam de son cou et est un égaré égarant. Alors maintenant, Cheikh, il va parler du lien qu'on a utilisé en arabe, al-ribqa. Et il dit, « Ma hiya al-ribqa ?»« Al-ribqa tu hiya hablun, tuj'alu fihi hibalun far'iyyatun, fi kulli hablin falakah. » يربط بها الغنم مع بعض. إذن فعقيدة الإسلام ووحدة الأمة هي بمنزلة الربقة للمسلمين. فمن خلعها أي خلع الربقة من عنقه خلع الطاعة. ومن خلع الطاعة فارق الجماعة. وكان ضالا مضلا فعليك يا عبد الله أن تفهم أن الخروج من الطاعة عن ولاية الأمير المسلم الذي قد أجمع المسلمون على بيعته ودانوا له إما بالبيعة الاختيارية أو بما شهر عليه من السيف حتى خضعوا له جميعا فإنه حينئذ يحرم الخروج عليه وتحرم منازعته. Puis Cheikh va apporter les preuves là-dessus. Et je voudrais que vous passiez tout ça dans le cadre de l'Aqida, parce que Sharh Sunnah, c'est un livre dans l'Aqida d'Ahl Sunnah al-Jama'a. Cheikh, il dit, quel est ce lien al-ribqa ? Al-ribqa, c'est une corde principale, si vous voulez. Hein, pourquoi ? Parce qu'on va voir qu'après, il y a des cordes secondaires. C'est une corde principale à laquelle on accroche des cordes secondaires. On accroche à chacune d'entre elles, ou à chacune d'entre elles, on attache quoi ? Un cerclage, avec laquelle on attache le bétail les uns aux autres. Hein ? Donc, il y a une corde principale à laquelle on attache des cordes, hein ? Où on attache un cerclage, et avec laquelle on attache le bétail les uns aux autres. Hein, vous voyez pourquoi il explique ici ce sens linguistique ? Pour comprendre mieux le hadith. Et c'est quoi donc, il dit, la croyance islamique et l'unité de la communauté, la Ummah, est comme la corde, le câble pour les musulmans. Celui donc qui la retire de son cou, c'est-à-dire retire la corde, le lien de son cou, aura retiré l'obéissance, et celui qui aura retiré l'obéissance se sera séparé du groupe uni des musulmans et sera égaré et égarant. Cheikh, il termine ce point-là par une nasiha et il dit, il t'est donc obligatoire aux serviteurs d'Allah de comprendre que sortir de l'obéissance au gouverneur musulman, au sujet duquel les musulmans sont unanimes sur le fait de lui prêter allégeance, et lui obéissent, soit en lui prêtant allégeance de leur plein gré, soit qu'ils lui prêtent allégeance car il a tiré le sabre contre eux jusqu'à ce qu'ils lui obéissent tous. Hein ? Il faut savoir, et on a traduit déjà quelque chose sur notre site vis-à-vis de ça, hein, sur ce point-là, c'est que quoi ? C'est que il est obligatoire d'obéir et d'écouter le gouvernant qui a pris le pouvoir même par la force. Hein? Si la situation elle est établie que c'est lui maintenant qui est en pouvoir, eh bien la croyance des gens de la sunna, c'est de l'écouter et de lui obéir. Hein? C'est pour ça que Chéri rapporte ce point-là. Il dit, soit qu'il lui prête allégeance car il a tiré le sabre contre eux, jusqu'à ce qu'ils lui obéissent tous, il est alors illicite de se rebeller et il est illicite de se rebeller contre lui et il est illicite de lui disputer le pouvoir. Hein? Quelles sont les preuves de cela ? Et on va voir plus tard, inshallah, dans la parole de Ibn Abil'iz al-Hanafi, rahimahullah, dans Sharh al-Tahawiyya, pourquoi c'est interdit. Hein? Quelles sont les preuves de cela ? On rapporte déjà les preuves. Il dit, « Mal adilatu ala dhalik ?»« Al adilatu ala dhalik mutawafiratun من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن إجماع علماء المسلمين على ذلك. شيخ قال les preuves de cela sont nombreuses dans le livre d'Allah et dans la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et de l'unanimité des musulmans à ce sujet. Donc là, ce n'est pas un point où il y a divergence. On part d'un point du Coran, de la sunna, hein, qui est tiré du Coran, de la sunna et du consensus des savants, du consensus des musulmans. Il dit, « Min al-kitab », c'est-à-dire les preuves maintenant du Coran. « قَوْلُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِعُوا اللَّهَ وَأَطِعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ » Sourate An-Nisa, verset 59. « فَلَمَّا قَرَنَا أُولِي الْأَمْرِ وَأَوْجَبَ طَعَتَهُمْ مَعَ طَعَتِهِ وَطَعَتَ رسوله صلى الله عليه وسلم وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فيما لم يكن معصية دل ذلك على وجوب الطاعة لهم وعدم جواز الخروج عليهم وعدم جواز المنازعة لهم أو الإثارة عليهم فهذه الآية صريحة وهناك آيات تدخل في هذه العقيدة ضمنا بفاسيتي دوتر فيرسي إن شاء الله. Donc cher, il rapporte des preuves du Coran maintenant sur ce qu'on vient d'avancer. Il dit: la parole d'Allah dans la traduction du sens est « Ô les croyants, obéissez à Allah et obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. » Et ce verset-là, on l'a déjà cité dans le sharh de Usul Sitta, de Sharh Obed qu'on a fait et qu'on a terminé d'ailleurs, alhamdoulilah. Et on avait dit qu'il y a une règle à tirer de ça. Parce que vous voyez ici, même en français, on le sent bien aussi, « Obéissez à Allah et obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. » Hein? Le mot « obéissez » n'a pas été répété ici. Pourquoi ? C'est pour prouver que l'obéissance aux gens de commandement, elle n'est pas inconditionnelle. Elle est conditionnelle. C'est-à-dire quoi ? Elle est dans ce qui n'est pas un péché. Hein ? C'est pour ça que le cheikh va dire dans un instant, où il a dit « malam takun ma'asiyatan ». À la Kouli Hal, surat Nisa, verset 59, il dit « comme Allah a joint dans le verset les gens qui détiennent le commandement ». Et a rendu obligatoire leur obéissance dans ce qui n'est pas un péché. À l'obéissance à lui. Et à l'obéissance à son messager, alayhi salatu wassalam. Cela indique quoi ? Eh bien, cela indique l'obligation de leur obéir et l'interdiction de se rebeller contre eux. Ce verset est donc explicite. Et il y a d'autres versets qui englobent cette croyance, comme la parole d'Allah dont la traduction du sens est « Et cramponnez-vous tous ensemble au câble d'Allah et ne soyez pas divisés. » واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا سورة آل عمران verset 103 وكقول تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون سورة الأنعام verset 153. Donc Cheikh il dit ici, ففي هاتين الآيتين أمر الله عز وجل بالاعتصام بحبله واتباع سبيله ونهى عن التفرق فقال في الآية الأولى ولا تفرقوا وفي الآية الثانية ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله فدل ذلك على عدم جواز التفرق وعلى حرمته وأنه شيء لا يجوز. Donc Cheikh il continue en disant, il a rapporté un verset qui est explicite, puis il a dit il y a des versets, hein, c'est quoi le mot qu'il a utilisé qui implique cela, si je me souviens bien, il a dit dimnan, qui englobe cette croyance, comme la parole d'Allah dans la traduction du sens est, et cramponnez-vous tous ensemble au câble d'Allah et ne soyez pas divisés. Surat Ali Imran, verset 103. Puis il en cite un autre, et comme sa parole dans la traduction du sens est, et voilà mon chemin dans toute sa rectitude. Suivez-le donc, et ne suivez pas les sentiers qui vous écartent de sa voie. Voilà ce qu'il vous enjoint, ainsi atteindriez-vous la piété. Et c'est la traduction du sens de Surat Al-An'am, verset 153. Cheikh il explique et il dit, dans ces deux versets, Allah a ordonné de se cramponner à son câble et de suivre sa voie et a interdit la division. Il a dit dans le premier verset, et ne soyez pas divisés. Et dans le deuxième verset, et ne suivez pas les sentiers qui vous écartent de sa voie. Ceci indique quoi ? Eh bien, ceci indique donc l'interdiction d'être divisé et le caractère illicite de cette division et que c'est quelque chose qui n'est pas permis. En ce qui concerne les preuves de la sunna, elles sont très nombreuses. Donc, Cheikh, il a dit quoi ? Il a dit, c'est quelque chose d'établi dans le Coran, dans la sunna et dans l'unanimité des musulmans. Eh bien, je rapporte les preuves de la sunna maintenant. Et il dit, « وَالْأَدِلَّةُ مِنَ السُنَّةِ فَهِيَ كَثِيرَةٌ جِدَّا مِنْ ذَلِكَ حَدِيثُ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مَنْ رَأَ مِنْ أَمِيرِهِ شَيْءًا يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ عَلَيْهِ فإنه من خرج من الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية، وفي رواية فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. وكذلك ما رواه البخاري ومسلم من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أرضاه قال في لسة الحديث. ودابوغ تخرجوغ سا إن شاء الله. Donc parmi les preuves de la sunna, elles sont très nombreuses, il y a le hadith d'Ibn Abbas, radiallahu anhuma. Pourquoi on dit qu'Allah les agrée tous deux? Parce que Abdullah et Ibn Abbas, tous deux étaient des compagnons. Abdullah, le fils d'Abbas. Que celui qui voit de son gouverneur quelque chose qu'il déteste, qu'il patiente avec lui, car celui qui sort de la jama'a, on a traduit ça de manière littérale par le groupe uni des musulmans, si vous voulez, hein, celui qui sort de la jama'a d'un empan et meurt, d'un empan, un chibre, et meurt, sa mort sera une mort de la période pré-islamique. Mitatan jahiliyatan. Rapporté par le Bukhari et Muslim, sur un hadith qu'on appelle Muttafaqun alayh. Et dans une autre version du hadith, il aura retiré le lien de l'islam de son cou. Et ce hadith est authentifié par Cheikh Al-Albani dans Sahih Sunan al-Tirmidhi. Puis il rapporte encore une autre preuve de la Sunna. Et aussi ce que le Bukhari et Muslim ont rapporté d'après le hadith de Ubadah ibn Samit, radiallahu anhu ardah, qui dit. بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا معكم من الله فيه برهان. Donc il cite le hadith d'Abad al-Mussamid qui dit: nous avons prêté allégeance au messager d'Allah صلى الله عليه وسلم sur le fait de l'écouter, sur le fait d'écouter et d'obéir dans la facilité et dans la difficulté, et dans ce que nous aimons et dans ce que nous détestons, et que nous ne disputions pas le pouvoir à ceux qui le détiennent, sauf, hein, si on voit, ou s'il faut dire, si vous voyez deux, il a un taraw, si vous voyez deux, une mécréance claire, au sujet de laquelle vous avez une preuve venant d'Allah. Ce hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Hadith muttafaqun alayh. Puis il rapporte une autre preuve, et il dit, « وَفِي صَحِي مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ عَرْفَجَةَ الْكِلَابِ مَنْ أَتَاكُمْ أَوْ أَمَرَكُمْ جَمِيعٌ عَلَى رَجُلٍ وأمركم عفوا جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ويفرق كلمتكم فاضرب عنقه كائنا من كان. Donc le hadith صحيح مسلم ici qu'il cite le cheikh رحمه الله, c'est d'après le hadith de Arfajatu al-Kilabi qui dit: celui qui vient à vous alors que vous êtes unanime sur un seul homme en voulant s'insurger contre vous et vous diviser, tranchez lui son cou, qui que ce soit. Rapporté par Muslim. Et d'après le hadith d'Abu Sa'id al-Khudri, radiallahu anhu, avec le même sens. Il y a encore un autre hadith, mais d'après Abu Sa'id al-Khudri, radiallahu anhu, arda, bima'na, c'est-à-dire avec le même sens. Et dans le hadith de l'Harith al-Ash'ari, radiallahu anhu, qui a rawahu l'imam Ahmed fil Musnad, an al Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'il dit: Inna Allah amara Yahya ibn Zakariya bi khamsi kalimatin an ya'mala bihinna, wa an ya'mura bani Israel an ya'malu bihinna. وذكر الحديث وفي آخره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا آمركم بخمس الله أمرني بهن آمركم بالجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله فإنه من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع. Dans le hadith al-Harith al-Ash'ari, qui a été rapporté par Ahmed dans son Musnad, que le prophète alayhi salatu wassalam a dit: Allah a ordonné à Yahya le fils de Zakariya 5 mots, et de les mettre en application et d'ordonner aux enfants d'Israël de les mettre en application. Puis il cita ensuite le hadith, et à la fin de ce hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit: et moi je vous commande 5 choses qu'Allah m'a commandées. Je vous ordonne de vous attacher au groupe uni, la jama'a, et d'écouter et d'obéir et d'émigrer et de combattre dans la voie d'Allah. Celui qui sort du groupe uni de la distance d'un empan aura retiré de son cou le lien de l'islam, sauf s'il revient. Et c'est un hadith qui est rapporté par Muslim. Ou Ahmed, rahimahullah, l'imam Ahmed, il a rapporté dans le Musnad, d'après le hadith d'Abu Dar, radiallahu anhu ardah, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: وأخرج أحمد في المسند عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من فارق الجماعة شبرا خلع ربقة الإسلام من عنقه. وفي الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له. ومن مات وليس في عنقه بيعه مات ميتة جاهلية. Donc l'imam Ahmed rahimahullah il a rapporté encore un autre hadith. Vous voyez les preuves, le cheikh il avait raison quand il dit qu'elles sont nombreuses. Et encore il en a cité que quelques-unes. Et il dit le hadith d'Abu Dar dans lequel le messager de l'Assemblée a dit celui qui quitte le groupe uni des musulmans aura enlevé le lien de l'islam de son cou. Et dans l'authentique d'Al-Bukhari d'après Ibn Omar, qu'elle les agrée tous deux, qu'il a dit, j'ai entendu le messager d'Allah dire, celui qui cesse d'obéir rencontrera Allah le jour du jugement dernier sans aucune preuve. Et celui qui meurt sans être soumis à un serment d'allégeance sera mort d'une mort pré-islamique. Puis c'est encore un autre hadith. Et il dit, et c'est un hadith très connu aussi, et que j'ai déjà cité dans le cours de Usul Sitta de Cheikh Obeid Jabiri, hafidahullah. C'est un hadith tellement important, surtout de nos jours, hein, avec toutes les fitaines qu'on voit autour de nous. Wa fi hadith Hudayfa ibn al-Yaman, radiyallahu anhu, alladhi fi as-sahihayn, qala kana an-nas yas'aluna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam 'an al-khayr wa kuntu as'aluhu 'an ash-sharr. Fa makhafatan an yudrikani, fa qultu ya Rasulallah, inna kunna fi jahiliyatin wa sharr. Fa ja'ana Allah بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر. Il y a une très belle explication que je vous recommande vivement, une cassette complète de qui, de Cheikh Obeid Jabiri, hein, hafidhahullah. Il a expliqué ce hadith en long et en large, yani je vous recommande vraiment de l'écouter. On continue le hadith, je peux le traduire entièrement inchallah. قال نعم قال وهل بعد ذلك الشر من خير قال نعم وفيه دخان قلت وما دخانه قال أقوام يستنون بغير سنتي ويهتادون بغير هدي تعرف منهم وتنكر قلت فهل بعد ذلك الخير من شر قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام القائل ستجوغ حديث ابن اليمن رجل عنه وارضاه قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. On va traduire ce hadith très important aussi, inshallah. Le hadith de Hudayfa ibn al-Yaman, qui est rapporté dans les deux authentiques. Il dit, les gens questionnaient le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sur le bien, et je le questionnais sur le mal de peur qu'il m'atteigne. Je dis, ô messager d'Allah, nous étions dans une période pré-islamique et de mal. Allah nous a ensuite amené ce bien. Y a-t-il un mal après ce bien? Regardez la question. Il répondit, alayhi salatu wassalam, oui. Y a-t-il après ce mal un bien? Il répondit, oui, et il y aura de la fumée. Je dis, quelle sera sa fumée? Il répondit, des gens qui suivent autre que ma sunna et suivre une autre voie que ma voie. Tu approuveras de certaines choses, on réprouvera d'autres. Et j'avais déjà cité dans un des cours, Cheikh Ibn Baz, de ses annotations de Sahih al-Bukhari, il avait dit quoi ? Ay jama'u bayna haqqin wa batil. C'est-à-dire qu'ils ont regroupé entre le faux et le. Hein, des choses fausses et des choses vraies. Je dis, y a-t-il un mal après ce bien ? Il répondit, oui. Des prêcheurs qui sont aux portes de l'enfer et qui appellent. Hein, ils appellent. Ceux qui répondent à leur appel, ils seront jetés en enfer. Je dis, que m'ordonnes-tu de faire si cela m'atteint? Il répondit, tu t'attaches au groupe uni des musulmans, la Jama'a, et à leur gouverneur. Je dis, c'est toujours Hadith Ibn al-Yaman qui parle, et s'ils n'ont ni groupe uni, ni gouverneur. Il répondit, alayhi salatu wassalam, isole-toi de tous ces groupes. Et ce même si tu dois mordre à la racine d'un arbre jusqu'à ce que te vienne la mort alors que tu es dans cet état. Et ce hadith est rapporté par Al-Bukhari et je vous conseille vivement de voir l'explication d'Ibn Hajar rahimahullah dans Fath al-Bari qui est l'explication de Sahih al-Bukhari. On va déjà rapporter quelques fawaïd d'Ibn Hajar inshallah. Cheikh Najmi continue en disant: قال الحافظ ابن حجر في الفتح وزاد في رواية الأسود تسمع وتطيع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. قال وكذا في رواية خالد بن سبيع عند الطبراني فإن رأيت لله خليفة فالزمه وإن ضرب ظهرك وإن لم يكن لله خليفة فالهرب. Ibn Hajar, rahimahullah, qui est l'explicateur de Sahih al-Bukhari, rahimahullah, le grand savant du hadith, le Hafid ibn Hajar, il a dit dans le Fath, qui est l'explication de Al-Bukhari, et il a rajouté dans la version de l'Aswad, tu écoutes et tu obéis, et c'est même s'il te frappe le dos, ou si ton argent est pris. Regardez, même dans ces situations-là, l'obéissance, elle reste. Cette version a été rapportée dans l'authentique de Muslim. Et il dit, et de même dans la version de Khalid ibn Soubaya, chez At-Tabarani, qui est aussi un savant du hadith, si tu vois un calife d'Allah, c'est une autre version du hadith là, hein? Si tu vois un calife d'Allah, attache-toi à lui. Et c'est même s'il te frappe le dos, et s'il n'y a pas de calife d'Allah, alors enfuis-toi. Et ce hadith est rapporté par Abu Daoud et Ahmed. Ou bien, alors la fuite, littéralement. Hein? Cheikh, il dit, il a ghayri dhalik min al-adillati ala wujub al-sam wa at-ta'a li wulati al-umur idha kanu muslimin. وأنه لا يجوز الخروج على إمام يقيم الصلاة ولا يجوز الخروج إلا عن من وجد عنده كفر بواح مع الخارج فيه من الله برهان وأيضا أنه لا ينبغي الخروج إلا إذا كان للمسلمين قوة يستطيعون بها مناوءة الحاكم هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. Donc, Cheikh, il dit quoi? Il dit, et d'autres encore parmi les preuves de l'obligation d'écouter et d'obéir au gouverneur, s'ils sont musulmans, et qu'il est interdit de se rebeller contre un gouverneur qui établit la prière, et qu'il est interdit de se rebeller sauf contre celui qui a une mécréance claire au sujet de laquelle on a une preuve venant d'Allah. Hein, ou celui qui se rebelle a une preuve venant d'Allah. Et aussi, il ne convient de se rebeller que si les musulmans ont une force qui leur permet de s'opposer au gouverneur. Et j'ai une petite faïda qui me revient en tête par rapport à ce hadith. Illa an taraw kufran bawahan indakum fihi min Allahi burhan. Cheikh Bezmoul, il rapporte une faïda. Il dit yani, an taraw, déjà que taraw, ça doit être quelque chose de vu, de clair. Hein? Et taraw, c'est quoi? C'est le jam' ici. C'est-à-dire que ça doit être vu par un groupe de gens. Hein? Et retournez, inshallah, au charah de Cheikh Bezmoul de ce hadith-là, parce qu'il est très très bien expliqué ce hadith-là dans son livre. Si je me souviens bien, c'est le hadith sur le jama'a. Le livre sur le jama'a. Donc on a dit quoi? Il a dit ici, j'en étais où? وأيضا لا أنه لا ينبغي الخروج إلا إذا كان للمسلمين قوة يستطيعون بها مناوءة الحاكم هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. Évidemment, il dit ici, il continue, et il ne convient pas de se rebeller, sauf si les musulmans ont une force qui leur permet de s'opposer au gouverneur, et ceci est la croyance des gens de la sunna et du consensus. Qu'on ne vienne pas vous mettre des choubois, des ambiguïtés sur le sujet, barakallahu fikum. Cheikh al-Koutini, il dit, وَقَدْ أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ مِنْ أَهْلِ السُنَّةِ وَالْجَمَعَةِ وَمُتَّبِعِ الْأَثَرِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْخُرُوجُ عَلَى وُلَاتِ الْأَمْرِ الْمُسْلِمِينَ سَوَاءً كَانُوا أَهْلَ عَدْلٍ أَوْ جَوْرٍ وَقَدْ حَكَى بَعْضُ الْعُلَمَاءِ إِجْمَاعَ أَهْلِ السُنَّةِ عَلَى ذَلِكَ. Il dit, les gens de science, les gens de la sunna et du consensus, et ceux qui suivent le athar, sont unanimes sur l'interdiction de se rebeller contre le gouverneur musulman, qu'il soit juste ou oppresseur. Il n'y en a pas un qui veut nous montrer une ambiguïté, dire, mais il y a divergence entre les gens de science. Ici, il y a quoi? Il a dit, hein, unanime. Cher Ali, certains ont d'ailleurs rapporté le consensus à ce sujet. Certains parmi les gens de science ont rapporté le consensus à ce sujet. Et il dit, قد قال الحافظ ابن حجر في الفتح في شرح حديث حذيفة بن اليمان طبعة محب الدين الخطيب وقال ابن بطال في حجة أي في حديث حذيفة حجة لجماعة الفقهاء في وجوب لزوم جماعة المسلمين وترك الخروج على أئمة الجور لأنه وصف الطائفة الأخيرة بأنهم دعاة على أبواب جهنم ولم يقل فيهم تعرف منهم وتنكر كما قال للأولين وهم لا يكونون كذلك إلا وهم على غير حق وأمر مع ذلك بلزوم الجماعة قال الطبري اختلف في هذا الأمر وفي الجماعة فقال قوم هو للوجوب والجماعة السواد الأعظم. Donc le Hafid Ibn Hajar, qu'est-ce qu'il dit dans son explication de Sahih al-Bukhari de ce hadith, l'explication du hadith de qui? Hudayfa ibn al-Yaman. Et je vous donne la référence, volume 13, page 37 aux éditions de ou bien la tab'a de Muhib الدين الخطيب. Ibn Hazar il dit, Ibn Battal a dit, il y a dans ce hadith, c'est-à-dire le hadith de Hudayfa, une preuve pour l'ensemble des jurisconsultes sur l'obligation de s'attacher au groupe uni des musulmans et l'obligation de délaisser la rébellion contre les gouverneurs injustes. Car le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a décrit le dernier groupe des gens dans le hadith. Hein, vous suivez bien le hadith. Hein, il avait cité un groupe des gens au début, il avait dit quoi ? Ta'arif minhum wa tunkir. Car il a décrit le dernier groupe des gens dans le hadith comme étant des prêcheurs aux portes de l'enfer. Du'atun ala abwab jahannam. Man ajabahum qadafu fiha. Et il n'a pas dit à leur sujet, il y a des choses que tu approuveras d'eux et d'autres que tu réprouveras, comme il avait dit pour le premier groupe. Hein? Et ils ne sont pas comme ils le sont, et ils sont comme ils le sont que parce qu'ils ne sont pas sur la vérité. Il parle ici des derniers. Et malgré cela, et ils ne sont comme ils le sont que parce qu'ils ne sont pas sur la vérité, et malgré cela, il a ordonné de s'attacher au groupe uni des musulmans. Al-Tabari rahimahullah, il a dit, il y a eu une divergence sur cet ordre et sur le sens de l'Jama'a. Certains ont dit cet ordre a valeur d'obligation et le jama'a c'est sawad al-a'zam, c'est-à-dire le corps principal des musulmans. On va voir maintenant ce qu'il dit Cheikh Najmi par rapport à cette parole. Je dis, قلتو ومن قال خلاف ذلك فإنه قد أخذ بقول المبتدعة لهم لم يقل بالخروج على أهل الجور إلا الخوارج والمعتزلة. أما أهل السنة والجماعة فكلهم يأخذون بهذه الأدلة وكلهم يرون تحريم الخروج سواء كان بالفعل أو الكلمة. لأن الكلمة تسبب الخروج الفعلي وقال في شرح التحاوية بلا parlé de la parole d'Ibn Abi al-Izz al-Hanafi rahimahullah. Écoutez bien cette parole, c'est vraiment très très important. Il dit, et surtout de nos jours, celui qui dit le contraire de cela aura pris l'avis des innovateurs dans la religion, le Mubtadi'a, car ils n'ont l'avis qu'il est autorisé de se rebeller contre le gouverneur qui oppresse que les Khawarij et Al-Mu'tazila. Tandis que les gens de la Sunna et du consensus prennent tous ces preuves et tous voient l'interdiction de se rebeller, que ce soit en action ou en parole. Parce qu'il y en a, ils ne se rebellent pas. Et Cheikh Ramadan, il avait expliqué dans Sharh Kitab al-Ajuri une bonne faïda. Il avait dit, il y en a qu'on appelle Khawarij al-Qa'adiyya. La secte de Khawarij, il y en a qu'on appelle Khawarij al-Qa'adiyya. C'est-à-dire quoi hein? C'est-à-dire, et c'est le pire, il a dit. Naam, sahih. Et Cheikh Ramadan, il a dit, c'est le pire. Pourquoi? Al-Qa'adiyya, c'est ceux qui restent assis. C'est-à-dire quoi? Ils ne se rebellent pas. Il y en a même, ils ne sont jamais rebellés. Mais c'est les pires, pourquoi? C'est ceux qui appellent, si vous voulez, c'est les idéologues. Hein? C'est ceux qui appellent au khourouj. Est-ce qu'ils sont sortis, ils sont rebellés? Jamais. Voilà qui ils sont rebellés, oui, avec la parole. Ils ont incité à la rébellion qui a amené à quoi? Qui amène aux rébellions par les actes. Hein? Donc c'est important la parole de Cheikh Najmi. C'est la précision de ce genre de savant, hein? De cet éminent savant, rahimahullah. Il dit... Celui qui dit le contraire de cela aura pris l'avis des innovateurs dans la religion, le Mubtadi'a, car non l'avis qu'il est autorisé de se rebeller contre le gouverneur qui oppresse que les Khawarij al-Mu'tazila. Il dit, le gouverneur il est injuste, on peut se rebeller. Yajouz. Ça c'est le Qawl Khawarij et Qawl Mu'tazila. Tandis que les gens de la Sunna du consensus prennent tous ces preuves et tous voient l'interdiction de se rebeller, que ce soit en action ou en parole. Car la parole amène à la rébellion par les actes. Maintenant, il rapporte une parole de Ibn Abi al-Izz al-Hanafi al-Dimashqi, qui dit dans son explication de l'Aqida al-Tahawiyya. Là, on parle des livres de référence pour les gens de la Sunna. Il faut connaître ces livres-là et il faut essayer d'étudier ces livres-là un jour ou l'autre. Hein? Tahawi, rahimahullah, c'est un livre très important. L'Aqida al-Sunna al-Jama'a, qu'on appelle l'Aqida al-Tahawiyya. L'aqida de l'imam al-Tahawi qui a écrit ce livre. C'est pour ça qu'on l'appelle al-Tahawiyya. Et cette Tahawiyya, elle est expliquée par Ibn Abi al-Izz al-Hanafi, rahimahullah. Et il y a une très bonne édition avec les annotations de Cheikh al-Albani et Cheikh Ibn Baz. Et il dit, rahimahullah, « Wala nara al-khuruj ala a'immatina » Vous allez voir que ça, c'est la parole de Tahawi lui-même. C'est dans le matn, si vous voulez. « Wala nara » Il parle de qui? Nous, les gens de la sunna, c'est ça que ça veut dire. وَلَا نَرَا الْخُرُوجَ عَلَىٰ أَئِمَّتِنَا وَوُلَاتِ أُمُورِنَا وَإِنْ جَارُوا وَلَا نَدْعُ عَلَيْهِمْ وَلَا نَنْزَعُ يَدًا مِنْ طَاعَتِهِمْ وَنَرَى طَاعَتَهُمْ مِنْ طَاعَتِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ فريضة من لم يأمر بمعصية. C'est ça la condition qu'on avait donnée tout à l'heure. وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. هذا قول صاحب الطحاوية. Ça c'est la parole de lui-même, الطحاوي lui-même, رحمه الله. Je la traduis. Et nous ne voyons pas la rébellion contre nos gouverneurs et nos gens qui détiennent le commandement, et ce même s'ils sont injustes. Et nous ne faisons pas d'invocation contre eux. Et nous n'arrêtons pas de leur obéir. Et nous voyons que leur obéir, c'est obéir à Allah. Et ce, de manière obligatoire. C'est prescrit, faridatan. Tant qu'ils ne commandent pas de faire un péché. Et c'est ça la condition. Et nous demandons à Allah qu'il soit vertueux et en bonne santé. Ceci est la parole de celui qui a écrit la Tahawiyya. Et son explicateur a rapporté les preuves. Qui est qui l'explicateur, comme j'ai dit ? Ibn Abil Izz al-Hanafi al-Dimashqi. Retenez les noms, yaikhwa. Il a dit وَأَمَّا لُزُمْ طَعَتِهِمْ وَإِنْ جَارُوا لِأَنَّهُ يَتَرَتَّبُ عَلَى الْخُرُوجِ عَنْ طَعَتِهِمْ مِنَ الْمَفَاسِدِ أَضْعَافِ مَا يَحْصُلُ مِنْ جَوْرِهِمْ بَلْ فِي الصَّبْرِ عَلَى جَوْرِهِمْ تَكْفِيرٌ لِلسَّيِّئَاتِ وَمُضَاعَفَةٌ لِلْأُجُورِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ مَا سَلَّطَهُمْ عَلَيْنَا إِلَّا لِفَسَادِ أَعْمَالِنَا والجزاء من جنس العمل فعلينا الاجتهاد والاستغفار والتوبة وإصلاح العمل قال الله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير سورة الشورى انتهى كلامه رحمه الله تعالى. Donc qu'est-ce que nous dit Ibn Abi al-Izz al-Hanafi rahimahullah en explication de ce passage de l'imam al-Tahawi rahimahullah? Tandis qu'au fait de leur obéir, et ce même s'ils sont injustes, c'est parce qu'il y a dans le fait de ne plus leur obéir des maux, hein, pluriel de mal, beaucoup plus nombreux que ceux causés par leur oppression. Mais de plus, il y a dans le fait d'être patient quant à leur oppression, une purification des péchés et une multiplication des récompenses, car Allah ne nous les a envoyés qu'à cause de la corruption de nos propres actes. Et la récompense est du type de l'action. Nous nous devons donc de faire des efforts et de demander pardon et de nous repentir et de réformer nos actions. La traduction du sens de la parole d'Allah dit « Tout malheur qui vous est atteint est dû à ce que vos mains ont acquis et il pardonne beaucoup. » Et c'est la traduction du sens de Surat Shura, verset 30. Et on termine là-dessus. « Wa jazakum allahu khairan wa allahu a'lam wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. » Internet, j'ai ton email. Ah, texte-le-moi ton email. Je sais voir si je peux pas te le forwarder ou me forwarder le lien. Je l'ai en cassette, moi en cassette je l'ai.